Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 18 janvier avez-vous choisi de nous rappeler ? Ah, le 18 janvier 1977, il y a 41 ans aujourd'hui, on apprenait ce 18 janvier le décès à l'âge de 82 ans de celle qu'on avait appelée la diva de l'opérette, l'ancienne compagne de l'as de l'aviation Guilmer, qui était devenue la deuxième épouse de Sacha Guitry, puis l'âme sœur inséparable de Pierre Fresnay. Et Pierre Fresnay qui était mort 2 ans plus tôt en 1975, donc vous avez compris que je parle d'Yvonne Printemps. Yvonne Printemps qui était à la fois actrice et chanteuse. Oui, on l'a vu en haut de l'affiche de quelques 60 pièces dans presque tous les grands théâtres de la capitale. On n'imagine pas la gloire d'Yvonne Printemps à la grande époque. Hein. La dernière pièce était à la Michaudière en 58. Elle était aussi au cinéma dans une petite dizaine de films. C'est bien l'opérette et la revue musicale qui l'ont vu conquérir le public. Sa voix unique l'a fait qualifiée de rossignol. Elle dansait aussi, elle n'avait pas froid aux yeux. Hein. Yvonne était entrée aux Folies Bergères à l'âge de 15 ans. Peut-on dire qu'elle faisait parler d'elle à la ville autant qu'à la scène ? Autant et même davantage, Raphaël. Yvonne Printemps a beaucoup fait jaser lors de son divorce retentissant avec Sacha Guitry. Ses amours parfois houleuses avec Pierre Fresnay des deux côtés de l'Atlantique ont mis reporters et photographes sur les genoux. Elle s'amusait d'ailleurs à les faire courir. Et puis, on ne parlait que des caprices, des chiens, des chapeaux, des bijoux, de celle pour qui Albert Wilmette avait écrit « Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit ». Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission dédiée aux énigmes de l'histoire en général et à celle du masque de fer en particulier.